toi. La nuit, je rêve de toi. La journée, je pense à toi. Y'a de toi, y'a la habiba. Moutalik, y'a inia. Fou de toi, y'a la habiba. Moutalik, y'a inia. Oh, hey, ya. Ça y est, c'est la lune de miel. Akati, ya, la vie est belle. Ça y est, c'est la lune de miel. Akati, ya, la vie est belle. Et quand je pense à notre hlel, je me sens pousser des ailes. Et quand je pense à notre hlel, je me sens pousser des ailes. J-Mom.